Radio Dio 89.5. Radio Dio 89.5 et radiodio.org. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi. Dans la radio, je me reconnais pas. Non, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Samedi 22 mars, il est midi et une minute sur votre radio locale préférée à Saint-Étienne. Thierry et Thelma pour Roulette Russe, épisode 7. Bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à 13h. La température extérieure est d'environ 14 degrés, mais le ciel est couvert et attention si vous sortez, de fortes rafales de vent sont annoncées. Jusqu'à 70 km/h. Vous venez de prendre place à bord du vol régulier Roulette Russe, la nouvelle émission musicale et mensuelle que vous retrouvez le 4e samedi de chaque mois, de 12h à 13h, donc sur le 89.5 de la bande FM de la région stéphanoise, le www.radiodio.org. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas écouter en direct ou préfèrent tout simplement écouter en décalé, sur l'audioblog Arte Radio, vous tapez Roulette Russe et vous tomberez sur les différents épisodes de l'émission. Alors si vous venez de monter à bord pour la première fois, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on peut bien écouter dans cette émission. Voici donc la feuille de route. Nous empruntons le couloir du rock indé, de la pop mainstream, tout en bifurquant à mi-distance vers une mini-sélection d'artistes français pour la rubrique Qualité France. De plus, pour vous divertir tout au long de ce voyage, Thelma, la chef de cabine, vous distillera quelques extraits sonores délicatement loufoques. Mais je m'arrête là, je ne veux pas tout vous dévoiler. Un seul mot d'ordre, cultivons ensemble nos différences et nos coups de cœur. Voilà, vous savez tout ou presque, alors embarquement immédiat pour Roulette Russe, épisode 7. Nous allons bientôt décoller. Votre tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et nous vous souhaitons un excellent vol. I'm gonna lift you up. I'm gonna lie you down. I'm gonna be the king of kings. You're gonna rise above all of the other stuff. You'll be the queen of everything. Nothing's gonna be the same. Nothing's gonna be the same. it's the year as far and long. Will you be near when I go wrong? I'm gonna lift you up, I'm gonna lie you down, I'm gonna be the king of kings. Nothing's gonna be the same, nothing's ever gonna change. I'm wise man, I'm wise man, into light. If I should steal as far along, will you be near when I go on? When I go on, when I go on, when I go on, when I go on, when I go on. Vous êtes bien à bord de Roulette Russe sur la radio audio. I Fly Tonight, Echo and the Bunnymen sur l'album Evergreen pour débuter ensemble ce voyage musical. Et oui, encore un groupe britannique me fera remarquer un auditeur qui se reconnaîtra s'il est à l'écoute aujourd'hui. Mais sans avoir à me justifier et en étant tout à fait partial, ne s'agit-il pas là du plus célèbre quatuor de Liverpool après les Beatles? Ian McCulloch et ses hommes lapins donnaient en 1997 une admirable suite au merveilleux Ocean Rain de 84. Le titre de l'album avait pourtant de quoi faire sourire, Evergreen, autrement dit qui ne vieillit pas. Il faut dire que les Bunnymen s'étaient déjà reformés en douce sous le nom d'Electra Fiction 2 ans plus tôt. Alors la seule anomalie constatée à l'écoute de ce bien nommé Evergreen reste la présence aux baguettes de Michael Lee, habituellement cogneur derrière Robert Plant ou The Cult, pour pallier malheureusement à l'absence forcée du défunt Pete de Freitas, dont on avait parlé dans une émission précédente, décédé tragiquement dans un accident de moto. Alors pour enchaîner, nous allons rester à Liverpool, mais quelques années plus tôt, avec Shaq, et puis l'un des plus fameux songwriters à la tête de Shaq, a émergé dans les années 80, je veux parler de Michael Head. Nous sommes en 1987, les frères Head sont lessivés après la dissolution des Pale Fountains. Ils changent de nom et tentent un retour en embauchant le producteur Ian Broody, très connu du milieu à l'époque. L'espoir de retrouver le sommet des débuts est rapidement contrarié par un échec commercial retentissant. La faute à Broody, diront certains, et son traitement des batteries, ou l'effet d'une mauvaise guigne qui se poursuivra avec un enchaînement de mauvaises nouvelles. Écoutez plutôt. 1986, décès de Christopher McCaffrey, le fondateur et ancien bassiste des Fountains. L'incendie d'un studio et la perte des bandes de Water Pistols, qui est le disque morné censé rattraper le tir manqué de Zilch, qui ne veut dire rien si j'ai bien fait la traduction de ce nom bizarre d'album. Pour poursuivre dans la malchance, la faillite de leur nouveau label Ghetto Records, après avoir été lâché par Virgin quelques temps plus tôt à la séparation des Pale Fountains. Et enfin, pour couronner le tout, la descente aux enfers avec les addictions en tout genre de Michael Head. Tout de suite, extrait donc de cet album maudit, Emergency, le groupe Shaq dans Roulette Russe. Are becoming a reality. A national. a survey on me. What you think of diverse reports? What you think about TV? And you can stand by one or two. Just on your way out the door, and that church or woman tries to spring a survey on me. What you think of my cause? What you think of Billy Cosby? And you can stand back one or two. Je ne te demande pas ton avis, toi. Je sais parfaitement ce que tu penses de tout ça. Tu trouves ça très bien, hein, évidemment. 12h19, oui, je disais à Thelma, coupe mon retour dans le studio, ce qui prouve bien qu'on est en direct et vous êtes toujours branchés sur le 895 de Dio à l'écoute de l'épisode 7 de Roulette Russe. À l'instant, la beauté glacée de Earth and Soul. Joy Division, évidemment, cet extrait de Closer, second et dernier album du quartet de Manchester, désormais canonisé. Alors Closer, c'est le journal intime d'une dépression, celle de Ian Curtis, dont la voix fantomatique résonne dans le morceau. Une ligne de basse qui s'étire en boucle, puis des roulements de batterie et la cadence diabolique. En live, la gestuelle du chanteur était très très identifiable, reconnaissable entre toutes, comme s'il imitait une crise d'épilepsie. Ses bras se mettaient à voler dans une courbe semi-circulaire et hypnotique. L'épilepsie est précisément le mal qui le ronge et le 18 mai 1980, Ian mettra fin à ses jours à l'âge de 23 ans. La pochette de l'album est magnifiée par le design de Peter Saville, gourou des visuels du mythique label Factory. Elle représente un monument funéraire qui fait partie du patrimoine tout simplement culturel de l'Italie. Il s'agit de la tombe de la famille Appiani, qui est située dans le cimetière monumental de Staligeno à Gênes et qui est considéré comme l'un des plus importants et fascinants d'Europe. Alors après le suicide d'Ian Curtis, viendra la question inévitable de la suite de Joy Division. Les trois membres restants, Hook, Sumner et Morris, décident de continuer. Gillian Gilbert, la femme de Stephen Morris, viendra rejoindre le trio au clavier et à la guitare. Et en juillet 80, place à New Order. La formation connaîtra des hauts et des bas. La faillite de Factory Records en 92, au moment où le Quatuor tentait de terminer dans la douleur l'enregistrement de République. Puis le départ de Hook en 2006, quelques mois après la publication de Waiting for the Siren's Call, huitième album du groupe. On poursuit avec le post-punk des Fontaines d'ici, Liberty Bell, live sur la radio KEXP, c'est dans Roulette Russe. You know, all of that violence that you get around here, that kind of ready, steady violence, that violent, how do you do? The lawyer went and steady, was sleeping in a phone booth. He's just very, very tired of having that same old boring conversation, just like me. Just like you, man is on a notch, yeah, what you gonna do about it? You know I love that violence that you get around here, that mind, that place, and the violence. That violence, how do you do? Well, I went as many words to the phone. She's very, very tired of having that same old boring conversation. Just like me, just like you, man is on a notch, yeah, what gonna do another. Is it easy just to try it? Is it the same old life? Well, is it liberating? Or just to be so fine? I'm a doll inside. You know I love. Ils nous disent de faire travailler les jeunes. Enfin, les jeunes, on sait pas bien s'ils ont envie de travailler, hein, aujourd'hui. Vous pouvez me laisser le temps d'apprendre, c'est mon deuxième jour. C'est ça. moi, à son âge, on pourrait croire que c'était pas comme ça. It's the car. Merci d'être à l'écoute de Roulette Russe sur Dio, la plus libre des radios. Nous venons d'écouter successivement deux titres des Fontaines D.C. Tout d'abord précédemment Liberty Bell en version live, qui est extrait de leur album Dogrel paru en 2019. Mais ici, c'était une version live de KEXP que j'apprécie particulièrement. Et la radio, la célèbre radio de Seattle, et le morceau avec ses guitares grinçantes. Et c'était suivi à l'instant de Amazing to be Young, leur dernier single qui vient de sortir en février dernier, 6 mois seulement après la sortie de l'album Romance. Alors le morceau évoque la confusion et la frustration de la jeunesse, mais aussi l'euphorie et le sentiment que tout est possible, même dans un monde cruel. Nous avions déjà programmé le groupe dans le tout premier épisode, pour ceux qui étaient à l'écoute. Mais il faut bien avouer que depuis 2018, Fontaines D.C. est passé du statut de groupe émergent à quelque chose d'assez colossal. Les Irlandais sont partout. On pourra d'ailleurs les retrouver sur scène très bientôt à Lyon. Enfin, les retrouver sur scène, on va en reparler. C'est la troisième fois en fait que Graham Chatten et ses potes joueront dans la capitale des Gaules. après le Sonic, le 9 février 2019, pour le Dogrel Tour, justement. Le Transbo, le 6 juin 2022, concert auquel j'ai eu la chance d'assister. C'était pour la promo de Skintifia. Et c'est aux Nuits de Fourvière, le 9 juin prochain, que vous pourrez les découvrir ou revoir la formation originaire de Dublin. Alors, quand je dis vous pourrez les découvrir ou redécouvrir, en fait, non, c'est mort. Puisque Thelma, qui est derrière la vitre, qui se faisait un plaisir de pouvoir aller voir le groupe dans un cadre plutôt fabuleux, l'amphithéâtre des Nuits de Fourvière, eh ben non, c'est mort, puisque les quelques centaines de places ont été prises d'assaut dans les premières heures d'ouverture de réservation. Alors revenons sur leur dernière mouture, Romance. Bon, c'est une époque où les groupes à guitare exclusivement masculins ont tout pour être une espèce en voie de disparition, et les groupes de rock indépendants semblent presque être des reliques d'un autre temps. Mais malgré tout, donc, l'ascension des Fontaines D.C. Est carrément improbable, justement, avec ces critères-là. Et rupture, donc, avec le nouvel album « Romance ». Nouveau départ pour le groupe, puisqu'ils ont changé de label, de producteur et de styliste. La totale. La pochette est kitschissime, le contenu ultra produit, et la production ne cache plus son désir farouche d'en vendre des brouettes. Alors, le nouveau son est plus facile d'accès, plus mainstream, mais ne risque-t-il pas de rebuter les fans de la première heure? La question est posée, affaire à suivre. On enchaîne avec Joséphine Orm, alias Earthworms. Cet extrait de son premier EP, A Comforting Notion, paru en 2023 sur l'album Speedy Underground. Et vous retrouverez l'influence de Pete Gervais. Écoutons 24 Hours, Earthworms, dans Roulette Russe. Bleeding teeth became money, and money became a souvenir. Yeah. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Épisode 7 sur la plus libre, sauvage et impertinente des radios à Saint-Étienne. À l'instant, une nouveauté, Switch Over, les Horse Girls. Ce sont les jeunes héritières de Kim Gordon et Kim Deal, toutes les deux originaires de Chicago, une ville qui a été longtemps l'épicentre du punk rock aux USA, la ville des Smashing Pumpkins, la ville où le producteur mythique Steve Albini avait son studio. On retrouve ce titre sur le deuxième album des Demoiselles, intitulé Phonetics On and On, et c'est sorti chez Matador Records. On va enchaîner avec quelque chose de beaucoup moins récent, une histoire qui remonte carrément à la fin des années 60. Mark Mothersbaugh et Jerry Casal se rencontrent sur les bancs de l'Université d'État de Kent, dans l'Ohio, et quelques années plus tard, en 1972, il forme le groupe Divo, qui développe sa théorie de la déévolution, selon laquelle l'humanité serait en régression et le progrès un leurre. Divo délivre une musique tendue, nerveuse, dont la rigidité peut s'apparenter à celle des Talking Heads ou des Anglais de magazine. Le groupe se singularise par une identité visuelle forte, chaque membre s'affût blanc sur scène, d'uniforme jaune, et par la place accordée aussi au synthétiseur, peut-être inspiré par la présence aux manettes d'un maître en la matière, Brian Eno. Le groupe finira par se séparer à l'entame des années 90, avant de retrouver l'envie au mi-temps des années 90, bénéficiant d'un revival et se produisant dans les gros festivals à succès. recyclant ainsi son imagerie et ses chorégraphies déjantées. Alors on va maintenant écouter un extrait du premier album du groupe en 78, intitulé Q, Are We Not Men? Hey, We Are Divo, un titre à rallonge, inspiré par le roman L'île du docteur Moreau, un roman de science-fiction écrit par H.G. Wells, écrivain britannique surtout connu pour ses romans de science-fiction. Tout de suite, dans Roulette Russe, la déévolution de Divo, Gut Feeling, Slap Your Mummy, sur la plus déjantée des radios. Thank you. Normalement, vous y avez droit à la qualité France. Ah oui? Ah, vous y avez droit, normalement. Vous pouvez demander à la préfecture et normalement, oui. Vous avez l'estampille qualité France. Ah oui? Toujours à l'écoute de Roulette Russe, épisode 7 sur Duo. Nous venons d'écouter Kleenex, premier titre de la sélection Qualité France, rubrique que vous retrouvez dans chaque émission de Roulette Russe, le quatrième samedi du mois, de 12h à 13h. Ce morceau est extrait de l'album Attitude, paru en 2024, et c'est le premier disque de l'Orléanais Johnny Jane, dont le pseudo est emprunté à la ballade de Gainsbourg, écrite pour Jane Birkin. Émile, de son vrai nom, propose une pop teintée d'électro avec des textes simples et émouvants. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, sachez que Kleenex, le titre que l'on vient d'écouter, frôle tout de même les 2 millions d'écoutes sur Spotify. Respect. À noter, et c'est une anecdote de Thelma, que cette musique est utilisée dans Bref, saison 2, par Kian Kojandi, désolé, elle écrit pas très bien Thelma. Et donc, Bref, saison 2 qui vient de sortir il y a un mois ou deux. Kian Kojandi, voilà, je crois que cette fois, j'ai bien épelé son nom, son patronyme. On poursuit dans la rubrique Qualité France avec François Marie, ça s'écrit Mary, M-I-2-R-Y, je vais y arriver, comme épousé, quoi, si vous préférez en anglais. C'est le leader de François and the Atlas Mountains, groupe originaire de Saintes en Charente-Maritime, donc très loin des montagnes de l'Atlas marocain. Groupe français donc, mais signé par l'un des plus prestigieux labels anglais, Domino Records. C'est le label entre autres de Franz Ferdinand et d'Arctic Monkeys, pour ne citer que. Ce musicien, chanteur, auteur, compositeur et peintre a mis sa fragilité, sa pudeur et sa délicatesse au service de Banane Bleue. Banane Bleue, c'est le nom de l'album paru en 2021, dont est extrait le titre que l'on va écouter de suite. L'indie pop électronique de revue. François and the Atlas Mountains dans Roulette Russe, sur la plus délicate des radios. Je l'ai revu au coin de la rue. Il voulait me faire croire au hasard. J'avais toujours voulu le revoir. Et il était soudain réapparu. Je l'ai emmené chez moi pour qu'il revoie tous les portraits qu'il avait fait de nous. Ceux des gens qu'on n'avait pas revus. Le soir venant, il est retourné. Yeux pointus, sa voix, il n'avait rien perdu. C'était le même que j'avais aimé, que j'avais aimé. Et la bouche cousue. Il voulait me confier un secret. Au lieu de ça, il m'a embrassé. Et il a tout gardé. Et il a tout gardé. We'll be right back. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue dans la grâce? On va aviser. Mais aviser dans le calme. La tête reposée. Se méfier de nos nerfs. Laissez la mariée brûler sa traîne, envoyer valser l'énergumène, un vol d'épervier trace au fusain un profil perdu, serait-ce le mien? Dans l'herbe étendue, je la revois, dans ses pieds nus, m'ouvrir ses bras, il lui faudra du danger, dans sa vie rangée, elle en aura, elle oubliera vite. L'heure des prières pour quelques rêveries d'étagères le long de sa traîne s'accroche en vain un bout de ma peine et d'aussi loin seules les étoiles. Ça va jamais qui sous le voile peut se cacher. Il lui faudra du danger dans sa vie rangée. Elle en aura. On s'est aimé dans les roseaux. Je l'ai vu plier sous ma peau et prêter serment aux ailes du vent. Alors laissez la mariée brûler sa traîne, envoyer valser l'énergumène. Elle viendrait soudain sur ma colline manger du raisin et ses épines. C'est bien trop sérieux, une robe blanche, les amoureux s'accrochent aux branches. Il lui faudra du danger dans sa vie rangée. Elle en aura. On s'est aimé dans les roseaux. Je l'ai dû plier sous ma peau et prêter serment aux ailes du vent. Alors laissez la mariée brûler sa traîne, envoyer valser l'énergumène. Laissez la mariée brûler sa traîne, laissez la mariée brûler sa traîne, laissez la mariée. Treize heures pétantes, roulette russe, épisode 7 touche à sa fin. Mais avant de boucler, je tenais à prolonger cette capsule Qualité France aujourd'hui pour une raison bien particulière. En effet, à quelques jours du 16e anniversaire de sa mort, le 14 mars 2009, je souhaitais revenir un instant sur le parcours du formidable artiste que fut Alain Bashung. Il est des œuvres qui, par nature, défient le regard critique. Leur charge émotionnelle si forte ferait presque passer toute tentative d'analyse pour un sacrilège. C'est le cas avec La Mariée des Roseaux, le titre que l'on vient d'écouter, extrait de l'album posthume En amont, paru en 2018. De cette voix surgie d'outre-tombe émane un tourbillon de sensations qui trouble forcément l'écoute. Bashung est revenu, l'espace d'un instant, dans Roulette Russe. Voilà, Roulette Russe, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur la version instrumentale de Faites Monter, cet extrait de l'album L'Imprudence, qui est sorti en 2002. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette heure de musique pas comme les autres que Thelma et moi en avons pris à préparer et animer cette émission. Un grand merci à Radio Dio pour nous avoir confié les clés du studio. Un grand merci à Thelma La Technique aujourd'hui et pour les prochains épisodes, j'espère. Un petit clin d'œil à Guillemette. Et enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, qui avez suivi cette émission modeste, mais néanmoins géniale. Roulette Russe vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dans un mois, le 4e samedi, et plus précisément le samedi 26 avril, de 12h à 13h. D'ici là, prenez soin de vous, ne lâchez rien et surtout prenez du plaisir en écoutant de la musique. Caresses et bis à l'œil. Rendez-vous à demain matin pour notre prochaine émission. Reprenez l'écoute à 11h. Radio Dio, Radio Dio, 89.5 FM.